Les Hauts de Hurlevent, d'Emily Brontë. Troisième épisode. Mrs. Dean, ma femme de charge au manoir de la Grive, commença à me raconter l'histoire de mon propriétaire et voisin, Mr. Heathcliff. Enfant, ce dernier avait été recueilli et élevé par Mr. Earnshaw au détriment de son propre fils Hindley. Les deux garçons avaient grandi dans une rivalité des plus violentes, que seul venait compenser, pour Heathcliff, l'amitié passionnée que lui vouait Catherine, la sœur de Hindley. Ensemble, ils arpentaient la lande, enivrés de nature et de liberté. Tout changea à la mort de Mr. Earnshaw. Hindley devint le maître des lieux et rabaissa Heathcliff au rang de garçon de ferme. C'est à cette époque que Catherine se blessa au cours d'une de ses promenades aux alentours du manoir de la Grive, alors occupé par la famille Linton. Les Linton étaient riches et avaient deux enfants, Edgar et Isabelle, qui furent ravis de recueillir leur jeune voisine et de la soigner. Catherine resta au manoir de la Grive 5 semaines, jusqu'à Noël. Sa cheville était alors tout à fait guérie et ses manières avaient beaucoup gagné. Imaginez, Mr. Lockwood, qu'au lieu d'une intraitable petite sauvageonne, nous vîmes descendre d'un joli poney une fort digne personne portant un long vêtement de drap qu'elle fut obligée de relever des deux mains pour faire gracieusement son entrée. Ma foi, Cathy, te voilà devenue une vraie beauté. C'est à peine si je t'aurais reconnu. J'ai l'air d'une dame à présent. Bonjour, Miss Cathy. Bonjour. Bonjour, Cathy. Bonjour. Vous êtes très élégante. Merci. Alors, c'est suivi. Allez, rentrons au chaud. Qu'est-ce que vous êtes grande. Heathcliff n'est pas là. Heathcliff, sors de derrière cette banquette. Tu peux venir souhaiter la bienvenue à Miss Catherine comme les autres domestiques. Comme tu as l'air sombre, de mauvaise humeur. Et que tu es drôle et vilain. Mais c'est que je suis habituée à Edgar et Isabelle Linton. Eh bien, Heathcliff, m'as-tu oublié? Donne-lui la main, Heathcliff. Pour une fois, cela t'est permis. Non. Je ne resterai pas ici pour qu'on rit de moi. Je ne le supporterai pas. Je ne voulais pas rire de toi, Heathcliff. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Heathcliff, tends-moi au moins la main. Pourquoi boudes-tu? C'est seulement que tu avais une mine bizarre. Si tu te laves la figure et que tu te brosses les cheveux, tout ira bien. Mais tu es si sale. Tu n'avais pas besoin de me toucher. Je serai aussi sale qu'il me plaît. J'aime être sale. Et je serai sale. Mr. et Mrs. Earnshaw avaient invité les Linton à passer la journée du lendemain à Hurlevent. Et l'invitation avait été acceptée à une seule condition. Mrs. Linton demandait que ses chéris fussent soigneusement tenus à l'écart de ce méchant garçon qui jurait. Prise de pitié, je m'en fus dehors pour chercher Heathcliff. Je le trouvai dans l'écurie, en train de donner à manger aux bêtes, comme à l'accoutumée. Dépêche-toi, Heathcliff. Il fait si bon dans la cuisine. Et Joseph est en haut. Dépêche-toi et laisse-moi te faire beau avant que Miss Cathy paraisse. Allons, viens-tu? J'attendis 5 minutes, mais n'obtenant pas de réponse, je le quittai. Au matin, Heathcliff se leva de bonne heure et alla promener sa mauvaise humeur sur la lande, ne reparaissant qu'une fois que la famille fut partie pour l'église. Le jeûne et la réflexion semblait l'avoir mis dans de meilleures dispositions. « Nelly, fais-moi comme il faut. Je serai sage. Il est grand temps, Heathcliff. Tu as fait une vraie peine à Catherine. Elle regrette d'être revenue à la maison. J'en suis sûre. Elle a dit qu'elle était peinée? Elle a pleuré quand je lui ai dit que tu étais encore partie ce matin. Eh ben, moi aussi j'ai pleuré la nuit dernière. Et j'avais pour ça plus de raisons qu'elle. Oui. Tu étais allée te coucher l'orgueil au cœur et l'estomac vide. Bon. Et maintenant, je vais dérober un moment pour t'accoutrer de telle sorte qu'Edgar Linton aura tout l'air d'une poupée à côté de toi. Assieds-toi. Tu es plus jeune, et pourtant je gagerais que tu es plus grand. Et deux fois aussi large d'épaule. Tu pourrais le jeter à terre en un clin d'œil. Tu ne t'en sens pas capable? Mais Nelly, je le jetterais 20 fois à terre que ça le rendrait pas moins beau. Ni moi plus beau. Je voudrais tant avoir les cheveux blonds et le teint clair, d'aussi belle manière, et une chance d'être aussi riche qu'il le sera. Et appeler ta maman à tout bout de champ et rester à la maison toute la journée à cause d'une averse? Oh, Heathcliff, tu montres bien peu de caractère. Viens devant la glace et je te ferai voir ce que tu devrais souhaiter. Aperçois-tu ces deux plis entre tes yeux? Et ces épais sourcils qui, au lieu de s'arquer vers le haut, s'affaissent au milieu. Apprends à effacer ces rides revêches, à lever franchement les paupières. Et change ces démons en anges confiants et innocents. Un bon cœur t'aidera à avoir un beau visage, mon garçon. Et maintenant que nous avons fini de nous laver et de nous peigner, dis-moi si tu ne te trouves pas assez beau garçon. Tu pourrais être un prince déguisé. Qui sait si ton père n'était pas empereur de Chine et ta mère reine des Indes. C'est eux. Va vite te montrer, Heathcliff. Joseph. Oui, mais... Veuillez interdire à ce garçon l'accès de la salle et envoyez-le au grenier jusqu'à ce que le repas soit fini. Il va fourrer ses doigts dans les tartes et voler les fruits si on le laisse seul une minute. Nenni, monsieur, ce n'est pas lui qui toucherait à rien. Il doit avoir tout comme nous sa part de friandises. Il aura sa part de taloche si je le surprends en bas avant ce soir. Déguerpi, vagabond. Quoi? Tu essaies de faire le joli cœur? Attends un peu que je les attrape, ces élégantes boucles, et tu verras si je saurais pas les allonger. Elles sont déjà assez longues comme ça. Je m'étonne qu'elle ne lui donne pas la migraine, c'est une crinière de poulain qu'il a au-dessus des yeux. Le jeune Linton avait fait cette remarque sans intention insultante, mais le naturel violent de Heathcliff n'était pas prêt à supporter un semblant d'impertinence de la part de quelqu'un qu'il paraissait déjà haïr comme un rival. Il saisit une terrine de compote de pomme toute chaude et la lança en plein dans la figure de Maître Linton. Tu veux vouloir ça? Tu vas voir, vaurien! Ça vous apprendra aussi, Maître Edgar, à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Voilà que je vous nettoie. Je veux rentrer à la maison. Vous n'auriez pas dû lui parler, Edgar. Il était de mauvaise humeur et maintenant vous avez gâté votre visite. Il va être fouetté. Je déteste qu'on le fouette. Il n'a rien fait. J'avais promis à maman de ne pas lui dire un mot et j'ai tenu parole. Voyons, ne pleurez pas. Vous n'êtes pas mort. Et vous aussi, c'est Isabelle. Qui donc vous a fait du mal à vous? Allons, allons. Les enfants, prenez vos places à table. Cette petite brute m'a joliment échauffé. Prochaine fois, Maître Edgar, faites la loi avec vos propres poings. Cela vous mettra en appétit. Le petit groupe recouvra bientôt son égalité d'humeur. Mais je vis que Catherine était au supplice tout le long du jour et qu'elle cherchait par tous les moyens à aller voir Heathcliff qui avait été enfermé par le maître. Le soir, on fit venir des musiciens. Cathy demanda qu'on libérât le prisonnier. Ses supplications demeurèrent vaines. À un moment de la soirée, je la vis monter l'escalier dans le noir. Je la suivis. Elle arriva devant le grenier où Heathcliff était enfermé. Heathcliff, Je laissais les pauvres enfants converser sans les déranger, jusqu'au moment où il me parut que la musique était sur le point de cesser. Je grimpai alors à l'échelle pour avertir Catherine. Au lieu de la trouver hors du grenier, j'entendis sa voix au-dedans. Elle s'était glissée comme un singe par une lucarne, puis longeant le toit, elle était descendue par une autre lucarne, et j'eus la plus grande difficulté à la persuader de revenir. Miss Cathy, non, plus permis. Oh, faut descendre maintenant. Miss Cathy. Quand elle apparut enfin, Heathcliff l'accompagnait. Ah, enfin. Nelly, vous pouvez l'amener à la cuisine, puisque Joseph est parti chez un voisin. Je n'ai pas l'intention d'encourager vos manigances. Mais vu que Heathcliff jeûne depuis hier soir, je fermerai les yeux pour cette fois. Viens, Heathcliff. C'est par un beau matin de juin 1778 que naquit le fils d'Inley, mon beau premier petit nourrisson et le dernier représentant de l'ancienne souche des Earnshaw. Mais Mrs. Earnshaw, qui depuis des mois s'était affaiblie de la poitrine, mourut et le petit Ayrton me fut confié entièrement. Quant à Inley Earnshaw, il s'abandonna au désespoir. Son chagrin était de ceux qui refusent de se traduire en lamentation. Il se répandait en malédictions, vouant à l'exécration Dieu et les hommes et s'abandonnant à une dissipation effrénée. Les domestiques ne purent pas supporter longtemps sa tyrannie et son inconduite. Joseph et moi, nous fûmes les deux seuls à bien vouloir rester. Heathcliff, de son côté, se délectait à voir Inley se dégrader au-delà de toute rémission. Et de jour en jour s'accusait davantage sa sauvagerie sombre et sa férocité. Je ne saurais vous dire, même à demi, quelle maison infernale nous avions. Un après-midi que Mr. Inley était sorti, Heathcliff pensa pouvoir en profiter pour se donner congé. Mais ce même après-midi, Miss Cathy, se figurant qu'elle aurait toute la maison pour elle, avait trouvé moyen d'informer Mr. Edgar de l'absence de son frère et se préparait maintenant à le recevoir. Cathy, es-tu occupée cet après-midi? Vas-tu quelque part? Non, il pleut. Pourquoi donc as-tu mis cette robe de soie? Personne ne vient ici, j'espère. Pas que je sache. Mais tu devrais être au champ, Heathcliff. Il y a une heure que le déjeuner est fini. Hindley ne nous débarrasse pas souvent de sa maudite présence. Je ne travaillerai plus aujourd'hui. Je reste avec toi. Ah ! Mais Joseph rapportera. Tu ferais mieux de partir. Joseph est parti chargé de la chaux de l'autre côté de Penistone Crag. Ça lui prendra jusqu'à la nuit et il n'en saura rien. Isabelle et Edgar Linton ont parlé de venir cet après-midi. Comme il pleut, je ne les attends guère, mais ils peuvent venir. Et en ce cas, tu courras le risque d'être grondé pour rien. Ah, oh, Nelly oh. Tu m'as peigné tout de travers. Ça suffit, laisse-moi. Que Nelly aille leur dire que tu es occupée, Cathy. Ne m'éconduis pas pour ces niais et ces pitoyables amis que tu t'es fait. Devrais-je donc te tenir toujours compagnie? Quel profit est-ce que j'en retiens? Tu ne m'as encore jamais dit que tu détestais ma compagnie, Cathy. On ne peut parler de compagnie quand les gens ne savent rien, ne disent rien. Bonjour Catherine. Certainement Catherine remarqua la différence entre ses deux amis tandis que l'un entrait et que l'autre sortait. Le contraste ressemblait à celui que l'on perçoit quand on échange un pays minier âpre et mouvementé contre une belle vallée fertile. Je ne suis pas venue trop tôt, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Que fais-tu là, Nelly? Mon ouvrage, Miss. Mr. Hinley m'avait donné l'ordre d'être toujours présente dans ses visites privées de Linton. Et moi, je déteste que tu t'affaires en ma présence. Je le regrette, miss. Catherine, ma chère! Catherine! Sors d'ici! Le petit Ayrton, qui me suivait partout et qui était assis près de moi sur le plancher, commença à pleurer lui aussi quand il vit mes larmes. Catherine le saisit par les épaules et le secoua jusqu'au moment où le pauvre enfant devint blême et où Edgar prit spontanément les mains de la jeune fille pour le délivrer. L'instant d'après, l'une des mains se dégagea et le jeune homme étonné la sentit frapper son oreille d'une telle manière que la chose ne pouvait pas passer pour une plaisanterie. Où allez-vous? Ne partez pas! Je dois partir et je partirai. Non, pas encore Edgar Linton. Vous ne me laisserez pas dans cet état. Puis-je rester alors que vous m'avez frappé? Eh bien, partez si vous voulez. Allez-vous-en! Et maintenant, je vais pleurer. Pleurer à me rendre malade. Le faible garçon était aussi peu capable de partir qu'un chat de laisser une souris à moitié tuée ou un oiseau à moitié dévoré. Oh, pensais-je, rien ne saurait le sauver. Il est condamné et il vole à son destin. C'est ce qui arriva. Il se retourna brusquement, rentra avec précipitation dans la salle et quelque temps après, quand je vins les prévenir qu'Earnshaw était rentré dans un état d'ivresse furieuse, je vis que la querelle n'avait fait que resserrer leur intimité. La nouvelle de l'arrivée de Mr. Hinley fit fuir aussitôt Linton vers son cheval et Catherine dans sa chambre. J'allais cacher le petit Ayrton et décharger la carabine du maître, car il aimait à jouer avec elle dans sa folle excitation. Cache-toi là, Marty, vite! Ah, mais je le trouve enfin! Le ciel et l'enfer, vous avez juré entre vous de tuer cet enfant! Je comprends maintenant comment il se fait que je ne le rencontrerai jamais! Mais ce petit coquin mérite d'être écorché vif pour ne pas être accouru à ma rencontre! Viens ici, chiot dénaturé! Je t'apprendrai à affronter un père qui se laisse abuser dans la beauté de son cœur. Dis-moi, Nelly, ne crois-tu pas que ce gamin aurait meilleur air si on lui coupait les oreilles? Ça rend les chiens plus féroces et j'aime qu'on soit féroce. Donne-moi des ciseaux. Non. Paix, enfant. Arrête. Paix. Allons, essuie tes yeux. Embrasse-moi, Ayrton. Hein? Comment? Tu ne veux pas? Hein? Le diable t'emporte! Embrasse-moi! Par Dieu, comme si j'allais élever pareil monstre. Aussi sûr que je vis, je vais casser le cou à ce homme-là. Oh non! Laissez-le, Mr. Hinley. Vous allez lui donner des convulsions à le tenir ainsi au-dessus de la rampe d'escalier. Comme je me précipitais pour le sauver, l'enfant eut un sursaut brusque, se dégagea des mains négligentes qui le retenaient et tomba. À peine eus-je le temps de frissonner d'horreur avant de voir que le pauvre petit était sain et sauf. Heathcliff, qui entrait à cet instant, était arrivé au-dessous de lui juste au moment critique. D'un geste instinctif, il l'attrapa au vol, le remit sur ses pieds et leva les yeux pour découvrir l'auteur de l'accident. Un avare qui s'est défait d'un billet de loterie gagnant pour 5 shillings et qui découvre le lendemain qu'il a perdu 5000 livres à ce marché n'aurait pas l'air plus décontenancé que lui quand il aperçut en haut la silhouette de Mr. Earnshaw. C'est ta faute, Nelly. T'aurais dû me l'enlever. À présent, va-t'en et emporte-le. Quant à toi, Heathcliff, débarrasse le plancher et ressors de ma portée. Je ne voudrais pas te tuer cette nuit. Et maintenant, déguerpissez. Viens, Heathcliff. Viens. C'est dommage qu'il ne puisse pas se tuer à force de boire. J'allai dans la cuisine et je m'assis pour bercer mon agnelet. Je crus que Heathcliff s'en allait à la grange. Il apparut plus tard qu'il avait seulement fait le tour de la banquette et qu'il s'était jeté sur un banc contre le mur, à l'écart du feu, en gardant le silence. Les entendus. Es-tu seule, Nelly ? Oui, miss. Oui, Heathcliff. Dans l'écurie à son travail. Nelly, me garderas-tu un secret ? Vaut-il la peine d'être gardé ? Oui. Et il me tracasse. Et il faut que je m'en décharge. Je veux savoir ce que je dois faire. Edgar Linton m'a demandé de l'épouser et j'ai accepté Nelly. Dis-moi vite si j'ai eu tort. Dis-le-moi. Il y a bien des choses à considérer avant de pouvoir répondre à cette question comme il convient. Avant tout et surtout, aimez-vous Mr. Edgar ? Tu ne l'aimerais. Naturellement que je l'aime. Pourquoi l'aimez-vous, Miss Cathy ? Eh bien, parce qu'il est beau et d'agréable compagnie. Mauvaise raison. Et parce qu'il est jeune et joyeux. Mauvaise raison encore. Et parce qu'il m'aime. Et il sera riche et je serai contente d'être la plus grande dame des environs. Et je serai fière d'avoir un pareil mari. Eh bien alors, épousez-le. Et maintenant voyons un peu ce qui vous rend chagrine. Votre frère sera content. Vous troquerez une maison où règne le désordre et l'inconfort pour une maison riche et respectable. Et vous aimez Edgar, et Edgar vous aime. Tout paraît simple et facile. Où est l'obstacle ? Ici, ici. Partout où l'âme existe, dans mon cœur et dans mon esprit, je suis convaincue que j'ai tort. C'est bien étrange. Je ne saisis pas. C'est mon secret. Pourtant, si tu t'abstiens de te moquer de moi, je te l'expliquerai. Je ne puis pas le faire très nettement, mais je te ferai un peu sentir ce que je sens. Si Hindley n'avait pas avili Heathcliff comme il l'a fait, je n'aurais pas songé à épouser Edgar Linton. Ce serait me dégrader que d'épouser maintenant Heathcliff. Aussi ne saura-t-il jamais combien je l'aime. Cela non parce qu'il est beau, Nelly, mais parce qu'il est davantage moi-même que je ne le suis. De quoi que soient faites nos âmes, la mienne et la sienne sont pareilles, et celle d'Edgar est aussi différente d'elles deux qu'un rayon de lune d'un éclair, ou le gel du feu. Mais c'est la voix, miss. Pourquoi ? Je ne suis pas sûre que Heathcliff n'était pas près de la porte il y a un instant. Oh, il ne pourrait pas m'entendre de la porte. Et puis Heathcliff n'a aucune notion de ces choses, n'est-ce pas ? Il ne sait pas ce que c'est que d'être amoureux. Je ne vois pas de raison pour qu'il ne le sache pas aussi bien que vous. Et si c'est vous qui l'a choisi, il sera la créature la plus infortunée qui ait jamais vu le jour. Vous êtes-vous demandé comment vous supporterez la séparation ? Et comment il supportera, lui, d'être entièrement abandonné en ce monde ? Car Miss Catherine... Lui entièrement abandonné ? Nous séparer ? Qui nous séparera, je te prie ? Mes grandes souffrances en ce monde ont été les souffrances de Heathcliff. Ma grande raison de vivre, c'est lui. Si tout le reste périssait et que lui demeura, je continuerai d'exister. Mais si tout le reste demeurait et que lui fut anéanti, l'univers me deviendrait formidablement étranger. Mon amour pour Linton est comme le feuillage dans les bois. Le temps le transformera comme l'hiver transforme les arbres. Mon amour pour Heathcliff ressemble aux rochers immuables qui sont en dessous, source de peu de joie apparente, mais nécessaire. Nelly, je suis Heathcliff, mais toujours, toujours présent à l'esprit. Non comme un plaisir, pas plus que je ne suis un plaisir pour moi-même, mais comme mon propre être. Ainsi donc, ne parle plus de notre séparation. Elle est impossible. Et vous rien dit, Cliff. Il n'est pas encore au milieu des changes d'heure. Bah, qui fait encore ce grand fignon? Miss, j'ai vu Cliff quitter la cuisine au moment où vous étiez en train de vous plaindre du comportement de votre frère envers lui. Joseph, courez donc sur la route pour le trouver et faites-le rentrer sur le champ. Je veux lui parler. Il faut que je lui parle. Qu'est-ce que j'ai dit, Nelly? Mon Dieu, dis-moi ce que j'ai fait pour le peiner. La quête de Joseph fut vaine. Les nuages semblaient annoncer l'orage. Mais Catherine courut dehors, en proie à une agitation qui ne lui permettait de s'accorder aucun repos. Elle se posta en attente près du mur, au bord de la route, et elle resta là, sans se soucier de mes remontrances, non plus que du tonnerre qui grondait, appelant par intervalles, puis écoutant, puis pleurant à chaudes larmes. Vers minuit, comme nous continuions à veiller, l'orage se déchaîna sur Hurlevent de toute sa fureur. Traduction Pierre Léris, adaptation Juliette Eman. Troisième épisode. Avec Clotilde Mollet, Mrs. Dean, Laurent Cléry, Lockwood, Eugène Marcuse, Heathcliff, Clément Bresson, Hindley, Suzanne Lachartre, Cathy Enfant, Amandine Gay, Mrs. Dean Jeune, Audrey Bonnet, Cathy, Jean-Claude Frissung, Joseph, Jérémy Lewin, Edgar Linton Jeune, Emilia Casorzi, Isabelle Enfant et Cécilia Dassonville. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Sophie Bissens. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Violoncelle, Elena Andreyev. Prise de son, montage et mixage, Antoine Viossa, Bernard Laniel et Élise Le. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Juliette Eman. Hurlevent démon est publié aux éditions Flammarion.